du recueil Affenschwanz, etc. Boutkanar de Charles Marel, enregistré par Christiane Jehan. Boutkanar était tout petit et c'est pour cela qu'on l'appelait Boutkanar. Mais tout petit qu'il fût, il avait de la tête. Il s'entendait à son affaire, car après avoir commencé avec rien, il avait fini par amasser 100 écus. Or, le roi du pays, qui était très dépensier et qui n'avait jamais d'argent, ayant appris que Boutkanar en avait, s'en vint un jour en personne lui emprunter son magot. Et, dame, dans les premiers temps, Boutkanar n'était pas qu'un peu fier d'avoir prêté de l'argent au roi. Mais lorsqu'au bout d'un an ou 2 ans, il vit qu'on ne songeait même pas à lui payer ses intérêts, il commença à s'inquiéter tellement qu'à la fin, il résolut d'aller lui-même trouver sa majesté pour se faire rembourser. Et un beau matin, voilà Boutkanar, bien pimpant et gaillard, qui se met en route en chantant « Quand me rendrez-vous mon bel argent ?» Note, c'est le mot du canard français. Le canard allemand, comme on sait, dit « Pâques ». Fin de note. Il n'avait pas fait 100 pas qu'il rencontra compère le renard en tournée par là. « Eh, bonjour, voisin !» dit le compère. « Où donc allons-nous, si matin ?»« Je vais chez le roi, chercher ce qu'il me doit. Oh, prends-moi avec toi !» Boutkanar se dit « On n'a jamais trop d'amis. »« Je veux bien, » lui dit-il. « Mais avec tes 4 pattes, tout à l'heure, tu seras là. Fais-toi tout petit, entre dans mon gosier, va dans mon gésier, et je te porterai. » Eh, la bonne idée, dit compère le renard. Il prend ses cliques et ses claques, et leste, le voilà passé comme une lettre à la poste. Et Boutkanar repart, tout pimpant et gaillard, et toujours chantant « Quand me rendrez-vous mon bel argent ?» Il n'avait pas fait 100 pas qu'il rencontre Macomer à l'échelle, à côté à son mur. « Eh, bonjour donc, petit caneton !» lui dit la commère. « Où donc vas-tu, si résolu ?»« Je vais chez le roi, chercher ce qu'il me doit. »« Oh, prends-moi avec toi !» Boutkanar se dit « On n'a jamais trop d'amis. »« Je veux bien !» lui dit-il. « Mais avec tes jambes de bois, tout à l'heure, tu seras lasse. Fais-toi toute petite, entre dans mon gosier, va dans mon gésier et je te porterai. » « Oh, la bonne idée !» dit ma commère l'échelle. Et preste, elle prend ses cliques et ses claques et s'en va tenir compagnie à compère le renard. Et quand Boutkanar repart en chantant, gaillard comme devant. 100 pas plus loin, il rencontre sa bonne amie, ma commère la rivière, qui se promenait tranquillement au soleil. « C'est toi, mon chérubin, » lui dit-elle. « Où vas-tu donc si seul, la queue en trompette, par ce vilain chemin ?»« Je vais chez le roi, tu sais, chercher ce qu'il me doit. »« Oh, prends-moi avec toi !» Boutkanar se dit, « On n'a jamais trop d'amis. »« Je veux bien, » lui dit-il. « Mais toi qui dors en marchant, tout à l'heure tu seras lasse. Fais-toi toute petite, entre dans mon gosier, va dans mon gésier et je te porterai. » « Ah, la bonne idée !» dit ma commère la rivière. Elle prend ses cliques et ses claques, et glou, glou, glou, elle s'en va se loger entre compère le renard et ma commère l'échelle. Et quand Boutkanar repart en chantant. Un peu plus loin, il rencontre encore le camarade guépier qui faisait manœuvrer ses guêpes. « Eh, bonjour donc, l'ami canard !» dit le camarade guépier. « Où donc va-t-on, si pimpant, si gaillard ?»« Je vais chez le roi, chercher ce qu'il me doit. »« Oh, prends-moi avec toi !» Boutkanar se dit, « On n'a jamais trop d'amis. »« Je veux bien, » lui dit-il. « Mais avec ton bataillon à traîner, tout à l'heure, tu seras là. Fais-toi tout petit, entre dans mon gosier, va dans mon gésier, et je te porterai. »« Parbleu, c'est une idée !» dit le camarade guépier. Et par file à gauche, il s'en va par le même chemin retrouver les autres avec tout son monde. Il n'y avait plus grand place, mais en se serrant un peu, et Boutkanar reprend sa course et sa chanson. Il arriva ainsi à la capitale et enfila tout droit la grande rue, toujours courant et chantant « Quand me rendrez-vous mon bel argent ?» Au grand étonnement des bonnes gens, jusqu'au palais du roi. Il frappe du marteau, toc toc. « Qui est là ?» demande le portier en passant la tête par son guichet. « C'est moi, Bout de Canard, je veux parler au roi. »« Parler au roi, c'est bientôt dit. Le roi dîne, il n'aime pas qu'on le dérange. » « Dis-lui que c'est moi, et que je viens, il sait bien pourquoi. » Le portier referme son guichet et monte dire cela au roi qui venait justement de se mettre à table, la serviette au cou, avec tous ses ministres. « c'est bon, dit le roi en riant, je sais ce que c'est, qu'on le fasse entrer et qu'on le mette avec les dindons et les poulets. » Le portier redescend, « donnez-vous la peine d'entrer ?»« Bon, se dit Bout de Canard. « Je vais voir comment on mange à la cour. »« par ici !» fait le portier. « Encore un pas, là, vous y êtes. »« Comment, comment, à la basse-cour » Pensez si Bout de Canard était vexé. « Ah, c'est comme ça, dit-il. Attendez, je vous forcerai bien à me recevoir. Quand me rendrez-vous mon bel argent ?» Mais les dindons et les poulets sont des bêtes qui n'aiment pas qu'on soit autrement qu'elles. Lorsqu'ils virent le nouveau venu, comment il était fait, et qu'ils l'entendirent crier ainsi, ils commencèrent à le regarder de travers. « Qu'est-ce que c'est? Que veut celui-là ?» Finalement, ils coururent sur lui tous ensemble pour l'abîmer à coups de bec. « Je suis perdu !» se disait déjà Bout de Canard. Lorsque, par bonheur, il se rappela son ami, compère le renard, il s'écria « Renard, renard, dépêche et sors, ou je suis un Bout de Canard mort !» Aussitôt, compère le renard, qui n'attendait que ce mot-là, se dépêche de sortir, il se jette sur la méchante volaille, et couic, couac, il l'étrangle à belles dents, si bien qu'au bout de 5 minutes, il n'en restait pas un en vie. Et Bout de Canard, bien content, se remet alors à chanter « Quand me rendrez-vous mon bel argent ?» Quand le roi, qui était encore à table, entendit ce refrain et que la gardeuse d'oie vint lui apprendre dans quel état était sa basse-cour, il se fâcha terriblement. Il commanda qu'on jetât ce maudit Bout de Canard dans le puits pour en finir avec lui. Et ce fut fait comme il avait dit. Bout de Canard désespérait déjà de se retirer d'un trou si profond lorsqu'il se rappela son ami, Macomer l'échelle. « L'échelle, l'échelle » s'écria-t-il, « dépêche et sors, ou je suis un Bout de Canard mort !» Macomer l'échelle, qui n'attendait que ce mot-là, se dépêche de sortir, elle appuie ses deux bras sur la margelle du puits, Bout de Canard grimpe alors lestement sur son dos, et hop, le voilà dans la cour, où il se remet à chanter de plus belle. Quand le roi, qui était encore à table, et qui riait du bon tour qu'il avait joué à son créancier, l'entendit de nouveau réclamer son argent, il entra dans une colère bleue. Il commande qu'on chauffe le four et qu'on y jette ce Bout de Canard maudit qui, bien sûr, devait être sorcier. Le four fut bientôt chaud, mais Bout de Canard, cette fois, n'avait pas si peur. Il comptait sur sa bonne amie, Macomer, la rivière. « Rivière, rivière !» s'écria-t-il. « Dépêche et sors, ou je suis un Bout de Canard mort !» Macomer, la rivière, se dépêche de sortir, et, rouf, elle s'élance dans le four, qu'elle inonde avec tous les gens qui l'avaient allumé. Puis elle se répand en grondant dans la cour du palais à plus de 4 pieds de haut. Et Bout de Canard, bien content, se met à nager en chantant à tue-tête « Quand me rendrez-vous mon bel argent ?» Le roi était toujours à table et se croyait bien sûr de son affaire. Mais lorsqu'il entendit de nouveau chanter Bout de Canard et qu'on lui eut appris tout ce qui s'était passé, il devint furieux et se leva de table en brandissant les poings. « Qu'on me l'amène, que je lui coupe le cou » s'écrie-t-il. « Qu'on me l'amène, vite !» Et vite, 2 valets courent chercher Bout de Canard. « Enfin !» se disait le pauvret en montant les grands escaliers. « On se décide donc à me recevoir. » Imaginez-vous son effroi lorsqu'en entrant, il voit le roi, rouge comme un coq, et tous ses ministres qui l'attendaient debout, le sabre à la main. Il crut que cette fois, c'en était fait de lui. Heureusement, il se souvint qu'il lui restait encore un ami, il s'écria d'une voix mourante « Guépier, Guépier, mon brave, dépêche et sors, ou je suis un bout de canard mort !» Mais c'est ici que tout va changer de face. « Psss, psss, à la baïonnette !» Le brave Guépier débouche avec toutes ses guêpes. Elle s'élance sur l'enragé de roi et ses ministres et les pique si furieusement au visage qu'ils en perdent la tête et que, ne sachant où se fourrer, ils sautent tous pêle-mêle par la fenêtre et se cassent le cou sur le pavé. Voilà Bout-de-Canard bien étonné, tout seul dans la grande salle et maître du terrain. Il n'en revenait pas. Bientôt, pourtant, il se rappela ce qu'il était venu faire au palais et, profitant de l'occasion, il se mit à la recherche de son cher argent. Mais il eut beau fouiller dans tous les tiroirs, il ne trouva rien. Tout avait été dépensé. En furetant ainsi de chambre en chambre, il arriva à celle où était le trône et, se sentant fatigué, il s'assit dessus pour rêver à son aventure. Cependant, le peuple avait trouvé son souverain et ses ministres, les quatre fers en l'air sur le pavé. Ils s'étaient répandus dans le palais pour savoir comment cela était arrivé. Lorsqu'en entrant dans la salle du trône, la foule vit qu'il y avait déjà quelqu'un sur le siège royal, elle éclata en cris de surprise et de joie. « Le roi est mort ! Vive le roi ! C'est le ciel qui nous l'envoie !» Bout-de-Canard, qui ne s'étonnait plus de rien, accueillit les acclamations du peuple comme s'il n'eût jamais fait que cela de sa vie. Quelques-uns murmuraient bien que ce serait un beau roi qu'un Bout-de-Canard. Ceux qui le connaissaient répondirent qu'un Bout-de-Canard bon ménager valait mieux encore pour roi qu'un panier percé, comme celui qui gisait sur le pavé. Bref, on courut ôter la couronne de la tête du défunt et on en coiffa Bout-de-Canard à qui elle allait comme de cire. C'est ainsi qu'il devint roi. « Et maintenant, dit-il, après la cérémonie, mesdames et messieurs, allons souper, je me sens l'estomac creux. » Ici se termine Bout-de-Canard de Charles Marelle.